بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. C'est qui le batal qui nous redonne les shurut de la ilaha illallah? Toutes? Non, il n'y a pas d'ordre, tranquille. Je veux quelqu'un qui me les donne toutes. Sans talqin, sans qu'on nous souffle. Tu peux ? Il y en a 7. Non. Ah bon ? Aïwan, Mahabba ? L'Yaqin. L'Yaqin, Arsente. C'est ce qu'on a oublié la dernière fois d'ailleurs. La vitchèbe, mais qui n'est pas sûr, c'est oublié. Non, c'est le désavoué, je crois. Le couvre-bêta à route. Je ne l'ai pas compté celui-là. Donne les 7 pour le citer dans le livre. Inch'Allah. Les actes, il y a les... Armel. Là. Armel Abbé, non. Là. Là. Tu confonds avec l'Imen. Ah ouais, c'est ça. On en parle aujourd'hui, Inch'Allah. Oui. T'as dit le Mahabba, le Yaqin. Il manque 5. Mais tu les as? Normalement. Tu les as? Ah, deux, même pas. Moi, je les ai, mais je suis quelqu'un, j'ai pas le devoir. Tu les as? Non. Il en manque 5. L'Ikhlas. L'Ikhlas. Ah oui. L'Ikhlas. Hein. Ça fait 3. Baqi 4. Il en manque 4. Allez, au moins 1. Un short, au moins, un short. Suivi. Ah, c'est dans le Kaboul et l'Amel. Il a dit la certitude. Il l'a dit. Pas un indice. Non. Ahmed, il va finir. Il en manque 4. Al-ilm. Al-ilm. Al-Kaboul. Al-Kaboul. Al-Nqiyad. Al-Nqiyad. C'est quoi le Kaboul et le Nqiyad? Kaboul, c'est l'acceptation. Le Nqiyad, c'est l'assujettissement. Il en manque 1. J'ai vu un faux semblant de geste de moi qui va se lever. Non, j'ai cru, j'ai mal cru. Non. Pas du tout. La sitr. Ah, la véracité. Elle haine dans, au début de chaque verse, je vais interroger. Inch'Allah. Sur la même question? Naam. C'est ce que soit enfoui en vous, comme c'est enfoui Tawhid Thalatha, les choses de l'Allah seront enfouies également, Inch'Allah. Donc on a dit. Yaqin, la certitude, la habba, la véracité, l'ilm, l'assujettissement, la sincérité. Et la dernière, c'était quoi? Kaboul. Kaboul, c'est l'acceptation. L'acceptation, en fait. C'est quoi la différence entre l'acceptation et l'assujettissement? Acceptation? L'assujettissement. Quelqu'un peut s'assujettir, il n'accepte pas. Il est contraint de faire une chose. Et quelqu'un peut accepter, mais il ne veut pas. Ça, ça veut dire? Justement, ça amène à des actes. L'inqiyad, c'est que tu te laisses mener par cette kalima. Tu vois, tu te laisses mener. Comme ton scooter. Quand tu tournes le guidon à droite, il va où le scooter? Il a le choix. S'il n'y a pas de droite, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il est cassé. Et bien toi, c'est pareil. Cette kalima, elle te dirige. Tu vois, et si jamais tu ne te diriges pas, ben, c'est qu'il y a un problème en toi. Il y a une panne quelque part. Un truc qui ne va pas. Et ce truc qui ne va pas peut te nuire. Belle te nuire. Parce que ça touche à Allah ilaha illallah. J'avais vu, on avait un frère comme ça. Il avait un problème avec Al-Yaqin. Il avait des choukouk. Il avait des doutes. Il avait un problème avec Al-Kaboul, Kazalik. Aujourd'hui, il est apostat. On avait des discussions avec lui. Et il avait des doutes. Même disait, mais si je, dans les choses de l'Allah, si jamais il y en a une que je remplis pas, Il dit, bah, c'est dangereux pour toi, tu vois. Et il doutait de plein de choses. Et qu'il a dit que le Kaboul, il y a des choses qu'il voulait pas, qu'il a du mal à accepter. Aujourd'hui, il se désavoue de l'islam. Wallah azbillah. Taïb, Wassil. Yaqoul fi souwal al-sadis wa thalathin. La dernière fois, on avait pris les arcanes. Avec le adillah. Amen. Yaqoul ma huwa al-iman. Car au tout début, on avait parlé de l'islam. Maratib al-din thalatha. Les étapes de la religion, ces niveaux sont de trois. Premier, on a pris l'islam. Après, on a cité la ilaha illallah. Après, on a cité Mohammed Rasulullah. Après, on a cité les arcanes. Maintenant, il passe à l'iman. Al-iman qawlu wa amalun. Qawlu al-qalbi wal-lisan. Wa amal al-qalbi wal-lisan. Wal-jawarih. Yazidu bita'ati wa yankusu bil-ma'asiyati. Yatafadzalu ahluhu fihi. Donc, la foi, c'est parole et acte. Parole du cœur et parole de la langue. Et les actes, actes du cœur et actes de la langue, des membres, je veux dire. Et cet iman, il augmente et descend. D'accord ? Il augmente et descend. Il augmente avec les actes d'obéissance. Et il descend avec les péchés ou le manque d'actes d'obéissance. Plus tu feras des actes d'obéissance, déjà le wajibat, en premier lieu, les obligations, ton iman, il va monter. Et si tu rajoutes les mustahabbat, les choses recommandées, il va monter encore plus. Et si tu évites au maximum les péchés, il va monter encore plus. Donc les gens dans l'iman, ils ne sont pas du même niveau. Certains sont une fois plus fortes que d'autres. Encore quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-mu'minu, al-qawiyu, ahab, au khayru, ahabu ilallah, min al-mu'min al-za'if. Il a dit que le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah Azzawajal que le faible. Mais les deux enferment du bien. Donc ce hadith également prouve bien que les musulmans ne sont pas pareils. Qal fi souwal al-sabi'a wa thalathin, 37e question. Ma dalilu ala kounihi qawlan wa amala. Donc maintenant c'est quoi la preuve que cet iman c'est parole et acte. قال الله عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. Que Allah عز وجل vous a fait aimer la foi et l'a embelli dans votre cœur, dans vos cœurs. الحجرات, les appartements, verset 7. وقال الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله. Alors croyez en Allah et son messager. Al-A'raf, verset 158. وَذَا مَعْنَا الشَّهَادَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَا يَدْخُلُ الْعَبْدُ فِي الدِّينِ إِلَّا بِهِمَا. Donc là, c'est le sens, justement, des deux attestations par lesquelles on ne peut rentrer en islam que en les prononçant. Et bien sûr, en les appliquant par la suite. وَيَمِنْ عَمَلْ الْقَلْبِ اِعْتِقَادًا. Elle fait partie des actes du cœur, la croyance. وَمِنْ عَمَلْ اللِّسَانِ نُطْقًا. Partie des actes de la langue, parce qu'il faut que tu les prononces. لا تنفع إلا بتواطئهما. Et ne servent à rien, ces paroles-là, pour celui qui n'agit pas en conséquence, d'ailleurs également. Tu as la croyance, tu les prononces, et tu les appliques. وقال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. Et que Allah n'était pas tel à faire perdre vos... Il a écrit « imanakum » et en fait c'est la salat. Le tafsir de « iman » là dans ce verset, soit al-Baqara, c'est le verset 143. Le sens de « iman » ici, c'est celui de la salat, comme le veut dire l'auteur. « Ya'ni salatakum ila bayt al-maqdis qabl tahwil al-qibla. Samma salat kullaha imanan wa ya jami'atun li'amal al-qalb wal-lisan wal-jawarih. » Donc là, que Allah n'était pas tel à faire perdre, vous faire perdre, là il écrit Imen, en fait c'est la salat, comme il le dit. C'est quelle salat? C'est la salat que les musulmans faisaient auparavant, lorsqu'ils se dirigeaient vers Beit al-Maqdis, avant qu'il y ait un changement de la Qibla. Pour dire, en fait, Allah les réconforte en disant que vos salats d'avant, elles ne sont pas perdues. Aujourd'hui, la Qibla a changé, Mais ce que vous avez fait auparavant, c'est conserver auprès d'Allah Azzawajal. D'accord ? Samma salat kullaha imanan. Donc là, Allah il a nommé la salat comme étant l'iman. La salat a été nommée comme étant l'iman. Car elle regroupe tous les actes. Le cœur, les paroles et les actes. La salat, t'as tout. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان. Et le Nabi صلى الله عليه وسلم a compté justement tous ces actes, comme le djihad, comme la prière nocturne, ou comme le siyam, le ramadan, ainsi que le taraweh et l'accomplissement des salawat. Tout cela a été nommé comme étant de la foi. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله. Que le Nabi صلى الله عليه وسلم a été interrogé quelle est la meilleure des œuvres, le meilleur des actes. Il a dit une foi en Allah et en son messager. Donc iman, il inclut que tu agisses. Dire je crois implique que tu agisses. Donc là ça le remet en compte ce qui s'appelle, comme il l'appelle, musulman non pratiquant. Tu ne peux pas ne pas être pratiquant. Parce que quand tu dis musulman, c'est-à-dire soumis. Quelqu'un qui est soumis, il agit. Voilà. Si tu n'agis pas, c'était rebelle, c'était pas soumis. Ça, ça relève quoi ? Quelle charte de la ilaha illallah ça contredit ? Le sujétisme. Exactement. L'inqiyad. Car tu deviens une forme de rebelle. Tu ne te laisses pas mener par la kalima de la ilaha illallah. يقول في السؤال 38 38e question ما الدليل على زيارة الإيمان ونقصانه. Maintenant c'est quoi la preuve que cette foi elle monte ou qu'elle descend? Parce que tu as des sectes comme les Mourjia par exemple qui disent que tout le monde a la même foi que Jibril ou Abou Bakr. La foi elle descend pas. Même tu fais rien comme acte, à partir du moment où tu dis je crois et tu le prononces, pour eux t'es un croyant au top. Et même si demain t'es quelqu'un qui fait tout, et ben tu seras au même niveau que l'autre qui fait rien, qui fait valer les marassi, mais qui dit je crois. D'accord ? Ils le mettent au même niveau. Bada, kol batil. Car eux, les Mourjia, ils ont sorti les actes de la foi. Pour eux, les actes ne sont pas une condition de la foi. Juste un surplus. Kolou ta'ala, liyazdadu imanan ma'imanihim. Pour qu'ils rajoutent de la foi à leur foi. Sourate al-Fath, verset 4. وَزِدْنَاهُمْ هُدَى. Et nous leur avons rajouté de la guidée, c'est-à-dire de la foi. C'est Allah Azza wa Jalla qui dit ça. Al-Kahf, le Kahbien, verset 13. وَيَزِدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَحْتَدَوْ هُدَى. Et que Allah ajoute de la guidée à ceux qui sont déjà guidés, c'est-à-dire ceux qui les croyants, ils leur ajoutent de la foi. Maryam, verset 76. وَالَّذِينَ اَحْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدَى. Le même sens. Mohammed, verset 17. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Et que ceux qui ont cru, d'accord, augmente leur foi. Cela augmente leur foi. Al-Muddathir, 31. فَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَدَهُمْ إِمَانًا فَزَدَتْهُمْ أَفْوَنْ إِمَانًا. Quant à ceux qui ont cru, cela leur a ajouté de la foi. Al-Tawbah, verset 124. فَخْشَوْهُمْ فَزَدَهُمْ إِمَانًا. Al-Imran, verset 173. وَمَا زَادَهُمْ إِلَى إِمَانًا وَتَسْلِيمًا. Cela n'a fait que leur ajouter de la foi, également de la soumission. Al-Ahzab, verset, les coalisés disent comme ça, verset 22. وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّكُمْ تَكُونُونَ فِي كُلِّ حَالَةٍ كَحَالَتِكُمْ عِنْدِي لَصَافَحَتْكُمْ الْمَلَائِكَةُ. Et le Nabi صلى الله عليه وسلم, il a dit aux Sahaba, à un moment qu'ils sont pleins de lui, en disant: lorsqu'on vient te voir, Fakir finnar, wa fil jannah, wa tazdad imanuna. Il a dit, quand on vient te voir, notre foi elle monte. On pense au jannah, on pense au feu, notre foi elle monte, tout ça. Et quand on sort de chez toi, on change, on oublie. On pensait qu'ils avaient du nifaq en eux. Ils se croyaient munafiqoun. Il y avait Hanzara et Abu Bakr, Siddiq, qui étaient partis voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre de cela, de ce qu'ils ressentaient. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, si jamais vous étiez avec moi, plutôt en toute situation, comme lorsque vous êtes avec moi, les anges vous serraient la main dans les passages, dans les rues. Cependant, il a dit, ça, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour le rappel, Et il y a un temps pour la dounia. Et il y a un temps pour les gens. Et ces choses-là vont te font oublier. Quand tu vas au travail, t'es pas comme ce que tu me dis, ça c'est certain. Quand tu es avec ta famille, t'es pas comme quand tu es un derse avec des frères. C'est certain. Et ainsi de suite. D'accord ? Mais c'est une chose qu'Allah Azzawajal, il a prescrit. Mais en même temps, ça te permet de voir que ton iman y monte. Et tu le sens, ça te fait du bien. Vous voyez ? Ça te fait du bien. Et quand tu vois qu'il descend, bah c'est un système d'alerte pour te dire, réagis. Pour te dire, tu vois, fais quelque chose. Même tu es là dans une situation où tu es avec la famille, et tu sens que ta foi est baisse, tu entends les choses qui ne te plaisent pas, là, tu fais des zikr. Tasbih, takbirat, tahmidat. D'accord ? Tu essaies de faire des choses qui font que ton iman, on va dire, même s'il ne monte pas, tu l'empêches de trop descendre. On dirait comme ça. Et dès que tu peux faire une ibada, tu as une occasion, précipite-toi d'aller la faire. Tu as le mazik à côté, vas-y. Ou autre. Donc c'est une chose qui est humaine. D'accord ? Ton iman ne sera pas tout le temps au même niveau. Yaqul ma dalilu ala tafadil al iman fihi. Maintenant, c'est quoi la preuve que les gens de la foi diffèrent ? Ils ne sont pas tous pareils. Yaqul Allah Azza wa Jal والسابقون السابقون أولئك المقربون. Dans le sens où Allah dit, les sabiqun sont ceux qui vont de l'avant. D'accord ? Qui se devancent, qui sont concurrents dans le bien. Ce sont ceux-là qui se rapprochent d'Allah Azza wa Jal. Et les qawlihi, wa ashabul yamin, ma ashabul yamin. Et les gens de la droite, qui te dira qui sont les gens de la droite ? Donc eux sont les meilleurs. Qala ta'ala, famma in kana min al-muqarrabin. فروح وريحا وجنة النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. Donc également là, Allah Azzawajal, là il vante les gens qui se rapprochent de lui, qu'ils auront des jardins de délices. Et là, ouais, je pourrais partir du verset là après. Al-Muhim, dans ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il vante les gens qui vont de l'avant, qui font des efforts. C'est-à-dire que ceux-là ne sont pas comme les autres. Et d'ailleurs, Tayyib Thumma qala, wa qala ta'ala, faminuhum zalimun li nafsi, wa minuhum muqtasidun, wa minuhum sabikun bil khayrat bi iznillah. Il y a parmi eux, et là il parle de, dans le verset à propos de la descendance d'Ibrahim et de Nuh, alayhi salam. Parmi eux, certains qui sont injustes envers eux-mêmes. Et parmi eux, ceux qui se contentent. Et parmi eux, ceux qui se devancent dans les bonnes actions. Avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui vont de l'avant, As-Sabiqoun, Cheikh As-Saadi, justement, dans un dirs qu'on a pris, c'était il y a deux semaines, dans Bardiat Kouloub, Al-Kouloub, Kouloub Al-Abrar. Il a justement, dans le hadith, de, que le croyant fort est meilleur plus ou moins dans l'Allah Azzawajal que le faible, il a dit les croyants, il les a divisés en trois catégories. As-sabiqun. Al-mutasabiqun. Ceux qui vont de l'avant. Il a dit ce sont ceux qui font les actes obligatoires, les obligations, qui délaissent les choses interdites et qui font les choses recommandées et délaissent les choses détestables et en plus délaissent des choses permises qui ne leur servent à rien, et peut-être peuvent leur causer de se rapprocher des choses mauvaises. Même dans le permis, il y a des choses qui délaissent. C'est pas tout ce qui est permis, ils font tout ce qui est permis. Après, il y a les muqtasidun. Ceux qui se contentent sont ceux qui font que ce qui est obligatoire, et délaissent que ce qui est interdit. C'est tout. Les zalimun nafsihim, ceux qui sont juste envers eux-mêmes, sont ceux qui mélangent des bonnes actions et des mauvaises. Ils font des bonnes actions, et font des mauvaises. Et bien sûr, le mu'min qawi, celui qui est fort, c'est celui qui est dans la première catégorie. Après, même les forts, entre eux, ils disent, c'est pas tout fort qui sont au même niveau, t'as des forts plus forts que d'autres. Comme les faibles. Parmi les faibles, t'as qui sont plus faibles que d'autres encore. Et ainsi de suite. Yaqul, wa fi hadith al-shafa'a, dans le hadith de l'intercession, an Allah yukhrij min an-nar man kana fi qalbi wazn dinar min iman, thumma kana fi qalbihi wazn nis dinar min iman. Al-Bukhari. Donc là, toujours parmi les adillah qui prouvent que les gens dans la foi sont de différents degrés, que Allah Azza wa Jal, Ça, dans le hadith de l'intercession, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a intercédé pour sa communauté, les gens de Kaba'ir, ensuite auront intercédé les prophètes et les gens pieux et les anges, il restera Allah Zawajal qui sortira des gens. Et il dit que Allah sortira du feu les gens qui auront dans leur cœur le poids d'un dinar de foi. Un dinar, à l'époque, c'était une pièce. Je ne sais pas quel poids faisait, mais elle était légère. Ensuite, il sortira du feu des gens qui avaient la moitié de ce poids de foi dans leur cœur. Dans une version, yukhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min alkhair ma yazinu ash-sha'ira. Thumma yukhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min alkhair ma yazidu burra. Thumma yukhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min alkhair ma yazin dhurra. Donc une autre version du hadith, que Allah sortira du feu ceux qui auront dit la ilaha illallah et qui auront dans leur cœur comme bien, ce qui équivaut à sha'ira, c'est de l'orge. Vous avez vu l'orge, comment c'est ça? Comme un gros grain de riz un peu long, comme un poil épais. Tu vois à quoi ça ressemble? Ensuite, il sortira du feu ceux qui auront dit la ilaha illallah et qui ont dans leur cœur comme bien, ce qui équivaut à un grain de blé. Et ensuite, il sortira du feu ceux qui auront dit la ilaha illallah, qui auront dans leur cœur comme bien, ce qui équivaut à zorra, c'est à la base, zorra, c'est un grain de maïs. Également, zorra, il y en a traduit par un atome. Et en fait, à l'époque des Sahaba, ce qu'on appelle Zurra, c'est la chose la plus petite qu'ils connaissaient. Donc, atome, ils ne connaissaient pas à leur époque. Ils ne savaient pas encore le moyen qu'on a maintenant pour aller regarder. Donc, c'est une chose qui est variable. En fait, Zurra, c'est la chose la plus petite que l'on connaisse. On dirait comme ça à notre époque. Car à l'époque, c'était ce qui était pour eux, ce qu'il y avait de plus petit, pour intercaler, pour qu'ils comprennent. D'accord ? Et aujourd'hui, ils traduiront Zurra par atome. Pour dire qu'aujourd'hui, alors qu'il est, c'est parmi les choses les plus petites. Il y a l'électron aussi, encore plus petit. Les choses les plus petites qu'on connaisse, qui existent. Pour dire vraiment, c'est le minimum. Mais ça existe, c'est là. D'accord ? C'est là, ça existe. Donc ça, ce sont les preuves que les gens de la foi, d'accord ? Ils sont de différents niveaux. Certains ont la foi plus que d'autres. Comme le cours sur Hadith et d'autres Adillah. Et on a cité tout à l'heure les preuves que la foi elle monte. Donc les preuves que la foi descend, ben c'est le contraire de ces preuves-là en fait. Si elle monte, c'est qu'elle descend. D'accord ? Si elle monte, c'est-à-dire qu'elle descend également. Compréhension par opposition. Quand tu dis à quelqu'un, il est assis, ben ça veut dire qu'il n'est pas debout. Ça revient à ça en fait. Yaqul fi sura al-arba'in. Ma dalil ala anna al-iman yashmalu ad-din kullahu 'ala al-itlaq. Donc maintenant il dit c'est quoi la preuve que lorsqu'on dit al-iman tout seul, il regroupe la religion entière. On avait dit ça pour l'islam, la Coran. Maintenant il dit l'iman également. Tout seul, quand il dit l'iman, ça peut dire la religion entière. Donc c'est quoi la preuve? Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hadith wafd Abd al-Qais amurukum bil iman billah wahda. Qala atadruna ma al-iman billah wahda? قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا من الغنم من الغنيمة نعم مغنم نعم غنيمة نعم في المن سنس الخمس donc dans ce hadith il y a un groupe de gens qui sont venus voir le Nabi صلى الله عليه وسلم pour l'interroger sur des choses, sur des boissons. Et pour apprendre de la religion, pour retourner auprès de leur famille et leur enseigner. Donc il leur a appris des choses, et à la fin, il leur a dit, je vous ordonne la foi en Allah Azzawajal seul. Et il leur a dit, savez-vous qu'est-ce que la foi en Allah Azzawajal? Ils ont dit, Allah et son messager sont plus savants. Il a dit, l'attestation de la ilaha illallah, et de Muhammad Rasulullah, et l'accomplissement de la salat, de l'acquittement de la zakat, et de donner le cinquième du butin. Là, c'est lorsqu'il y avait des combats à leur époque. Le cinquième du buteur revenait à Allah et son messager. Donc là, il a traduit, on va dire, il a interprété Al-Iman par les piliers. Là, il n'a pas cité le Hajj. Parce que peut-être que le Hajj, à cette époque-là, n'était peut-être pas encore, n'a pas encore été rendu légiféré. Ça, c'est vraiment à la fin que le Hajj il est venu. C'est-à-dire, le Hajj, c'est vraiment à la fin qu'il a été rendu légiféré. Il faut que tu aies des hadiths où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il parle de la salat, la zakat, le siyam, mais il ne parle pas du Hajj. Parce que le Hajj, il est arrivé beaucoup plus tard. Et certains disent, car le Hajj, c'est une chose que tout le monde ne fera, pourra pas forcément faire. Tu le fais une fois dans ta vie. Peut-être que les gens, quand ils sont venus là, c'était pas la chose la plus importante à leur citer. Alors que la salat, il faut la faire tous les jours. Le siyam, ramadan, c'est au moins une fois dans l'année, chaque année. Et la zakat, peut-être qu'ils avaient des biens à donner. Non, c'est différentes raisons qui font que des fois le Hajj n'est pas cité, mais c'est un pilier. Donc là, il a cité, il a expliqué Al-Iman Billah en citant les piliers de l'islam, bien qu'il manque le Hajj. Et donner le cinquième du butin, ça c'est pas un pilier. Mais c'est un acte de la foi. Al-Wahid wa Arba'in, 41e question. Ma dalil ala ta'arif Al-Iman bil arkan al-sitta inda al-tafsil. Donc maintenant, c'est quoi la preuve que l'on puisse définir cette foi par les cinq, ces six piliers à elle. Là, on parle des six piliers de la foi. Mahia. Toi. Pilier de la foi ? Ouais. Croire en Allah ? Non. En ses anges ? Non. En ses livres ? Non. En Mektoub ? Ouais. Comment on dit le Mektoub ? Le destin. Arsène, mashallah. Al-Qadar. Le destin. C'est le Mektoub, c'est le sens. Je sais ce que tu veux dire par là, mais emploie les termes dans le hadith, c'est mieux. Parce que les gens aiment bien dire Mektoub Atouva et des fois, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Et le reste, hein. Non. La résurrection, le jour dernier. Il a pas ses messagers ? Il a pas dit ? Si, j'ai dit. Il me semble qu'il l'a dit. Peut-être. Ça, j'ai les livres, les sangs, les livres. Ah, peut-être t'oublier. Mais il y a les messagers, alors. Arsente. Barakallahu fik. Donc maintenant, c'est quoi la preuve que l'on puisse définir Al-Iman par ses six piliers ? Quand, avant qu'on lise, Andek. C'est quoi le Dalil ? Tout simplement. Arsente. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل عليه السلام أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره متفق عليه. Donc c'est le hadith de Jibril lorsque ce dernier interrogeait le Nabi صلى الله عليه وسلم. Il lui dit informe-moi à propos de la foi. Il lui a cité que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au destin, au jour dernier. Voilà. Et ça sont les piliers de la foi. Ne pas confondre avec les piliers de l'islam. Attention. Ah, ce sont les six piliers de la foi. Yaqul mad daliluha min al-kitab bil jumla. Donc maintenant, c'est quoi la preuve de ces six piliers dans le Coran ? Qala Allah Ta'ala, laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal-maghrib, walakin al-birra man amana billahi wal-yawm al-akhir wal-mala'ikati wal-kitab wan-nabiyyin. Dans le sens où Allah dit que la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers l'Orient et l'Occident, mais cependant, c'est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Et quand Allah a rajouté dans le Coran, il dit « Al-Kitab », ça veut dire tous les kutub. C'est une règle que vous allez apprendre dans le Sourate Fiqh. Lorsque « Al » rentre dans un mot, il englobe toute sa catégorie. Vous savez, tu vas entendre « Ar-Rajul », ça veut dire « les hommes » en fait. Tu vois ? Tu vas entendre dans un texte « Al-Mar'a », la femme, ça veut dire « les femmes » en fait. C'est un jugement qui est valable pour toutes les femmes. Bah, la phrase viendra le sens une femme. Par exemple, Yakul, le Nabi Salem, Arar Rajul, Anyafal Kaza wa Kaza. Il va dire, l'homme, il doit faire ça et ça et ça. Est-ce que c'est un seul ? Ça veut dire tous les hommes, en fait. C'est-à-dire, le genre masculin doit faire telle et telle chose, en fait. Donc là, quand il dit Al-Kitab, c'est les livres, en fait. C'est le Coran et tous les livres qui sont descendus auparavant également. Faut que tu y crois. C'est parmi les règles qu'on apprend pour pouvoir interpréter le Coran. Parce que les gens vont dire, mais non, c'est un livre écrit là. Oui, mais ça veut dire tous les livres, en fait. Ça, c'est de Doulous encore. Surat al-Baqarah, la vache, verset 177. Wa qulu ta'ala, inna kulli shay'in khalaqnahu biqadar. Et là, c'est le dalil du destin. Quand Allah, dans le Coran, il dit que toute chose a été créée par dose. C'est-à-dire, de façon mesurée, à l'avance. Donc c'est le qadar, c'est le destin. Là, ce verset-là n'est pas cité dans le verset précédent qui lui cite 5 piliers de la foi. Et le qadar est venu dans un autre verset. Mais le hadith les a tous regroupés. وَسَنَذْكُرُ إِنْشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى دَلِيلَ كُلِّ عَلَى إِنْفِرَادِهِ. Et nous allons citer, par la suite dans le livre, le dalil de chacun de ces piliers. يَقُولُ نُقْبِلْ بِهَذَا السُّؤَالِ الثَّالِثُ وَأَرْبَعِينَ 43e question, et dernière question du Ders aujourd'hui. مَا مَعْنَا الْإِيمَانَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَ. Que signifie la foi en Allah عز وجل? Ça veut dire quoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens disent « je crois en Dieu ». Tout le monde le dit presque. Beaucoup de gens le disent. Mais est-ce que ça veut dire que cette foi qu'ils prétendent, c'est ça qui est valide, qui est accepté auprès d'Allah Azzawajal? Non. La foi donc Allah Azzawajal attend de nous, c'est ce qui va être cité là. « Wa tasdiq al-jazim min samim al-qalb bi wujud zaatihi ta'ala al-lazi lam yusbaq bi diddi wa lam yu'aqab ba'da wa wal awwalu falisa qablahu shay wal akhiru laysa ba'dahu shay wa zahiru laysa fawqahu shay wal batinu laysa dunahu shay hayyun qayyum أحد الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. Donc c'est le fait de croire fermement du plus profond de son cœur en son existence et en son essence, que Allah existe, d'accord, et qu'il est naissance, qu'il est celui qui n'a été devancé de rien. Il n'y avait rien avant lui. Et rien ne sera après lui. Qu'il est le premier. D'accord? Il n'y a rien avant lui. Le dernier, il n'y a rien après lui. Il est l'apparent. Il n'y a rien de plus voyant que lui. Quand on dit voyant, là, Allah Azzawajal, dans cette dunya, on ne le voit pas. D'accord? Mais on le voit comment? Sa création est la preuve plus évidente de son existence. D'accord? Et son rububiyya, ce qu'il fait, tous les actes qui sont propres dans son Rububiyya, dans sa seigneurie, on les voit. Il donne la vie, il donne la mort, qui nourrit, contrôle les vents, les pluies, tout ça. Tout cela sont des choses qui prouvent son existence de façon flagrante et évidente. Sans quoi Allah Azzawajal, en ce bas monde, il n'est pas visible pour nous. D'accord? Il ne veut pas qu'on le voit. Il est le caché, justement. Il n'y a rien de plus, justement, dissimulé que lui. On ne le voit pas. D'accord? On ne le voit pas. Hayyun qayyum. Hayy, vivant. D'une vie parfaite. D'une vie qui n'a pas de début, qui n'aura pas de fin. Nous aussi, on est vivant. Mais notre vie, elle a un début. Celle d'Allah Azzawajal, elle n'a pas de début. Elle n'a pas de fin. Et quand on vous dit ça, il ne faut pas que les gens commencent à aller chercher. Ça, c'est des choses, prends-les comme elles viennent, n'y réfléchis pas. Tu vas te perdre. Ce sont des choses qui sont inconcevables pour nous. Juste, tu y crois. Parce que quelqu'un commence à chercher une vie sans début, et il va commencer à waswas. Il va psychoter, il va dire attends, il va se perdre. Comme dans la question, man khalaqa kaza, man khalaqa kaza, hatta yakul man khalaqa Allah. C'est la même source que la question, qui a créé ceci, qui a créé cela, qui a créé ceci, ce qu'aujourd'hui ils disent, qui a créé Allah. Hop, shaitan est la place. Là, c'est pareil. Le salaf qu'allou, la yajouz atafakur fi zatillah. Qui n'est pas permis de réfléchir dans l'essence d'Allah, Azzawajal. C'est mon attribut, tu ne réfléchis pas. Ils viennent, dans les textes, tu les prends, sans leur chercher un comment. D'accord? Car tu ne pourras pas. Juste, tu sais ce que le sens du mot veut dire. Donc c'est ce qu'on te dit, tu comprends ce qu'on te dit, mais tu t'arrêtes là. Tu ne cherches pas à les imaginer ou quoi, c'est pas possible. Tu vas te perdre. D'accord? Tu vas te perdre. Donc quand on a une vie sans début, n'y réfléchis pas. Tu dis, j'y crois. Une vie sans fin, n'y réfléchis pas. Allez, ferme ces portes-là. Qayyum, Hayyun Qayyum, donc le vivant, d'une vie parfaite. Et Qayyum, c'est celui qui se tient par lui-même, qui n'a besoin de rien d'autre, et par qui les autres se tiennent. Car Allah Azzawajal, sans lui, il n'y aurait rien. Mais Allah Azzawajal n'a pas besoin de sa création. Il se tient par lui-même, subhanahu wa ta'ala. C'est ça, Qayyum. Allez, il se tient par lui-même, sans besoin. Et toute chose, Muftakar Elay, toute chose a besoin de lui. Ahad Samad, l'unique, le seul. Après, vous connaissez Surat al-Ikhlas, Lamedo, Lamiolad, qui n'a pas été enfanté, et n'est pas enfanté, c'est pour réfuter qui Qui on réfute quand on dit il n'a pas enfanté, il n'a pas d'enfant? Qui dit que Allah a un enfant? Qui c'est qui dit qu'Allah a un enfant? Quelle religion dit qu'Allah a un enfant? Musulmane. Je pense que tu n'as pas compris la question. Il y a des gens, ils ont une religion. Dans cette religion, ils disent que Allah il a un enfant. Qui est-ce qui dit ça? Ils disent qu'un tel, c'est le fils de Dieu. Qui c'est qui dit ça? Voilà, sans eux, ils disent que Jésus, c'est le fils de Dieu. Et ils ont même jusqu'à dire que Jésus, c'est Dieu. D'accord? Donc là, ce verset-là, la mérite ou la miulade, qui n'a pas été enfanté, n'a pas enfanté. C'est-à-dire que lui-même n'a pas de mère, parce qu'ils disent également que Marie, c'est la mère de Dieu. Ah, ouais, Auzbillah. Donc dans ce verset-là, Allah, il réfute ces gens-là pour dire que c'est pas vrai. Tout ça, c'est pas vrai. Qu'il n'a pas d'enfant, il n'a pas de mère, ni rien du tout. Et qui n'a pas d'équivalent, et qui est le seul, l'unique. Et de croire en son unicité, dans sa divinité, dans sa seigneurie, dans ses noms et attributs. Donc, faut comprendre ce verset-là, ça veut dire quoi? Là, c'est le plus grand hujja pour qu'il ne demande pas de paroles multiples et de grands débats pour dire que Noël, c'est une fête qui ne doit pas être fêtée par les musulmans. C'est une fête qui est mensongère. Car elle est basée sur la naissance de Issa, qui soit disant le fils de Dieu. Donc là, dans le Coran, elle dit qu'elle n'a pas de fils. D'accord? Donc cette fête-là, elle est annihilée de notre esprit. On ne peut y participer, on ne peut la cautionner. Et on ne peut la souhaiter aux autres. Ça reviendrait à souhaiter aux gens, ben, c'est une trahison. T'en as des fois, ils me disent, dans ma famille, ouais, mais c'est bon, c'est rien, juste t'es là avec nous, il n'y a pas d'histoire de Père Noël, il n'y a pas de crèche, il n'y a rien, c'est juste une fête, on est là en famille. Tu vois? On dit, ma wakaza. Je suis ici demain, parce que vous connaissez ma famille, c'est entier, c'est des Noirs. Je leur dis, si demain il y avait une fête qui a été faite par des gens qui célèbrent la mise en place de l'esclavage, mais qu'elle a été abolie, vous allez la fêter? On dit, non, il n'y a pas d'esclavage, juste vous venez, c'est un jour comme ça, on entre amis, vous allez venir? Tahaddakoum, je vous défie de venir, dire on va venir. Vous n'allez jamais venir. Ben moi, c'est pire encore pour moi. Donc c'est pas qu'une fête. Pour vous, c'est juste un rassemblement, pour nous, c'est une croyance. Je ne peux pas participer à une chose que je condamne à la base. Tout comme toi, demain, tu condamnerais l'esclavage. Si demain, qu'il y avait une fête faite par les Blancs il y a des millénaires pour avoir mis l'esclavage en place. Je dis, c'est bon, c'est juste une fête. Bon, l'esclavage n'existe plus, juste on fait la fête. Enfin, la fête de quoi? C'est quoi l'origine de la fête? L'esclavage. Je suis un Noir, je fêtais ça moi avec vous? Jamais de la vie. Je dis, ben moi, je suis un musulman, je fêtais ça avec vous? Jamais de la vie. Mais ils comprennent pas. Il faut que tu leur prennes un truc parce qu'il leur tient à cœur. Ma famille, c'est des Noirs. Ben, je les prends avec l'esclavage. Là, ils bégayent. Tu vois? Et je lui dis, moi, je déteste encore plus que vous attribuez à Allah un fils que vous détestez l'esclavage. Pour moi, c'est pire encore. Et là, quand on dit ça, ils n'ont plus de réponse. Non, c'est une fête. Non, c'est pas qu'une fête. Son origine, elle, c'est une chose qui est fausse, c'est un mensonge. Je ne peux pas l'accepter, moi. Donc, je ne serai pas là, Inch'Allah. Et vous non plus, Inch'Allah. Taïeb. Ah, Taïeb. Khalas. Contente de ça, aujourd'hui. سبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك